À quoi bon les voleurs? Прослушайте текст и поясните, почему господин Дюмонтье не хочет спускаться в гостиную. Monsieur Dumontier est propriétaire d'un magasin d'instruments de musique. Tambour, guitare, violon, accordéon, flûte, etc. Ses journées sont pénibles parce qu'il trouve insupportable cette musique moderne qu'il doit écouter. Mais c'est son boulot et il est obligé d'accepter. Le soir, quand il rentre, la seule chose qu'il désire par-dessus tout, c'est le silence. Mais c'est impossible. Sa fille téléphone à ses amis. Son fils joue du tambour et de la guitare électrique. Madame Dumontier joue du piano. Le chien aboie pour accompagner les autres musiciens. Monsieur Dumontier croit devenir fou. Enfin, c'est l'heure de se coucher. Monsieur Dumontier, épuisé, s'endort immédiatement. À 2 heures du matin, sa femme le réveille. « François, lève-toi. Il y a des voleurs dans la maison. »« Ah non, Thérèse. Comment le sais-tu » demande-t-il. « Ne perds pas de temps à me poser des questions. Je te dis qu'il y a des voleurs dans la maison. Ils peuvent nous tuer pendant que tu m'ennuies avec tes questions ridicules. Tu as peur de protéger ta famille, peut-être? Mais comment sais-tu qu'il y a des voleurs ici ?»« Je peux les entendre !» répond-elle furieuse. « Ne sois pas bête, Thérèse. Les voleurs ne font pas de bruit. » Quelques minutes plus tard, Thérèse réveille de nouveau son mari. « François, lève-toi. Je suis sûre qu'il y a des voleurs chez nous. Je t'ai déjà dit que les voleurs ne font pas de bruit. C'est pourquoi je suis sûre maintenant qu'ils sont dans la maison. Je n'entends rien. »